anniversaire ou cette commémoration ou cette envie d'être ensemble au bout de 140 ans. Mais il faudrait peut-être expliquer c'est quoi 1872. Alors c'est quoi avant 1872, c'est quoi et c'est quoi après? Qui commence? René. Alors, en septembre 1872, a eu lieu un congrès à La Haye, aux Pays-Bas, un congrès de l'Association internationale des travailleurs. AIT. AIT, qui a été fondée, comme chacun sait, en 1864. Bon. Alors, c'était quoi l'AIT? C'était une organisation internationale de travailleurs qui avait une structure globalement de type syndical, je dirais. Mais pas seulement, parce qu'il y avait aussi... il y avait des sections qui adhéraient, et des sections adhéraient à des fédérations régionales ou nationales. Et j'ai appris récemment qu'il y avait la fanfare de Saint-Imier qui était inscrite comme section de l'internationale. Bon, moi je trouve ça plutôt sympa. Bon. Mais dans l'ensemble, c'était une internationale avec des fédérations et c'était une structure syndicale. C'est-à-dire des gens, des ouvriers essentiellement, qui s'organisaient sur le lieu de travail d'une part et dans la localité de l'autre. Et comment s'est monté ce rassemblement? Alors, à l'origine, contrairement à l'idée reçue, Marx n'y est absolument pour rien. Elle s'est constituée en 1864. Donc, dans cette association, Marx est venu juste au moment de la fondation, c'est-à-dire quand tout était fait, et il a été élu à la tête du Conseil Général. Elle a beaucoup fonctionné sur le mode de la solidarité. Des grévistes d'un endroit étaient soutenus par les grévistes de l'autre, y compris sur le plan international. Il y a des ouvriers anglais se cotisaient pour soutenir une grève en Italie, etc. Enfin, j'ai pas les détails en tête, mais ça fonctionnait comme ça, c'était assez efficace. Et l'organisation prenait une véritable ampleur. Elle prenait une telle ampleur qu'il était devenu impossible de la diriger de manière centrale. Et le conflit est apparu précisément entre... On dit que c'est entre Marx et Bakounine, en réalité c'est pas entre... Eux-mêmes n'ont pas créé grand-chose, c'est entre deux visions stratégiques. Ce sont deux visions stratégiques et deux visions organisationnelles qui se sont confrontées. Et contre la vision centraliste, contre la vision... En fait, Marx, lui, son projet, c'était de transformer l'AIT en international de parti. Il avait l'obsession de rajouter dans les statuts de cette association la notion de prise du pouvoir, la conquête du pouvoir. Et alors que d'autres courants, dont les ouvriers de Saint-Imier étaient le cœur, si je peux dire, où vivait Bakounine, parce qu'il était exilé. Il y avait James Guillaume qui était du coin, Schwitz-Gebel qui était, je crois, de Sonvilliers, et les ouvriers du vallon de Saint-Imier, la Chaux-de-Fonds, Saint-Imier, Sonvilliers, etc., étaient organisés dans une fédération jurassienne. Bon. Je résume, c'est plus compliqué, parce qu'il y avait une fédération romande, et puis une scission, enfin bon. Mais les ouvriers de Sonvilliers, les ouvriers du Jura se sont constitués en fédération indépendante de l'autre fédération qui existait en Suisse, et ils étaient la tête de pont, en quelque sorte, de la tendance fédéraliste de l'international. Il y avait d'autres. Ils n'étaient pas tout seuls, il y avait la fédération belge qui était extrêmement importante. Dans la fédération belge, il y avait tous les mineurs. C'était la partie de la Belgique qui était, où il y avait toutes les mines, le Bourinage, etc. Et il y avait une très puissante fédération dans le Bourinage. En France, l'AIT était interdite, il n'y avait pas de fédération, mais il y avait des sections qui étaient clandestines et qui étaient importantes, qui se développaient. Il y avait la fédération espagnole, ils avaient 30 000 adhérents. Presque la moitié d'ailleurs des adhérents. À peu près là. Bon, c'est extrêmement difficile d'avoir des chiffres fiables, quoi. Mais il semblerait que la fédération espagnole avait entre 20 et 30 000 adhérents. Faudra expliquer comment elle s'est constituée, cette fédération espagnole, c'est très intéressant. Il y avait la fédération italienne qui était aussi interdite par la loi. Et curieusement, bon, dans presque tous les pays, les fédérations étaient interdites par la loi. y compris en Allemagne. Et curieusement, en Allemagne, enfin, dans tous les pays où elle était interdite, il y avait des fédérations quand même, ou faute de fédération, il y avait des sections. Curieusement, en Allemagne, il n'y a jamais eu de fédération, parce que c'est aussi, était aussi interdit par la loi. Et ça, je pense qu'il faudra expliquer, parce que, au fond, c'est assez simple à expliquer, et c'est surtout l'intérêt de réfléchir à cette question, c'est que ça explique l'histoire du mouvement ouvrier européen, d'une certaine manière. Donc, il y a eu un conflit entre les deux courants qui se sont opposés. L'un qui était dirigé par Marx et qui ne représentait au fond que lui-même, parce que les Allemands qui le soutenaient étaient inexistants. Il y a un dirigeant social-démocrate allemand qui s'appelle August Bebel, qui a écrit à la veille du congrès de 1872 que les Allemands n'avaient jamais payé de cotisation à Londres. Londres, c'était le lieu du le siège du Conseil Général. Donc, en fait, les Allemands sont absents, quoi, pratiquement. Ce qui ne les empêche pas d'être surreprésentés dans les instances. Bon. Donc, ce conflit a éclaté. Les fédéralistes, disons, nous, les fédérations adhérentes à l'AIT, sont autonomes. Elles ont le droit d'élaborer leur propre stratégie. Elles ont certes le devoir de se coordonner, de payer leurs cotisations, etc. Mais elles doivent pouvoir être autonomes et déterminer leur destin, en quelque sorte. Et ce conflit s'est achevé à La Haye, en 1872. Alors, en septembre 1872, c'est un peu plus d'un an après la Commune de Paris. La Commune, c'est une insurrection ouvrière de la population parisienne, contre l'État, qui a été réprimé d'une manière qu'on a du mal à imaginer, quoi. Ça a été un massacre absolument invraisemblable, quoi. Des dizaines de milliers de gens ont été tués, déportés, y compris des enfants, qui ont été déportés à Cayenne, etc. Dont Louise Michel, que tout le monde connaît. Et ça, cette répression de la Commune a créé un traumatisme absolument invraisemblable, quoi. Et donc, le congrès de La Haye a lieu, en quelque sorte, au lendemain de la répression de la Commune de Paris. Bon, je fais un retour en arrière d'un an, parce qu'en fait, avant ce congrès de 72, il y a eu une conférence à Londres, en 1871. Parce que normalement, les congrès avaient lieu tous les ans. En septembre 71, après l'écrasement de la Commune, c'était impossible de convoquer un congrès international. Donc les dirigeants de l'international ont décidé de convoquer une conférence qui n'aurait pas de pouvoir décisionnel, mais qui aurait la possibilité de préparer le congrès suivant. Effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Cette conférence de Londres a été convoquée de manière totalement fallacieuse. Enfin, les délégués étaient des délégués truqués. On sortait des délégués de la Manche. Il y avait des délégués qui ne représentaient rien du tout. Ou je sais même pas s'il n'y avait pas la fille de Marx qui était déléguée aussi. Et cette conférence de 1871 a pris des décisions en quelque sorte qui seraient entérinées l'année suivante. Et en septembre 72 a eu lieu donc ce congrès. Mais quand je dis que ce deuxième congrès aussi de 72 a été totalement truqué, mais on n'imagine pas à quel point, quoi. On sortait des mandats de la poche, quoi. Il y avait des Becker qui avaient une douzaine de mandats en blanc. Enfin bon, mais c'est hallucinant. C'est décrit. On peut pas décrire tout ça ici. C'est pas le lieu de une radio. Tout le monde va s'ennuyer. Mais la description des techniques de trucage du Congrès sont extrêmement intéressantes, bon, et préfigurent tout ce qu'on sait par la suite. Toutes les autres techniques. Bon. Et tous les autres congrès communistes, etc. Bon. Et à ce congrès de 72, en septembre, il y avait trois personnes qui étaient sur la sellette. Il y avait Bakounine, James Guillaume et Adhémar Schwitz-Gebel, qui étaient les deux derniers étant des gens d'ici, quoi, de Saint-Imier. Et curieusement, Schwitz-Gebel a échappé de peu à l'Inquisition et il n'a pas été excommunié, quoi. Mais Bakounine et James Guillaume ont été exclus. Aussitôt, Bakounine n'avait pas été convoqué, hein, bon, et James Guillaume y était. Aussitôt, une semaine après, les Jurassiens convoquent un congrès. Enfin, 15 septembre. Le 15 septembre. Mais en fait, le 15 septembre, il y a deux congrès. Voilà. Bon. Il y a un congrès le matin qui est le congrès de la Fédération Jurassienne. Bon. Et ce congrès dit, on récuse totalement les décisions qui ont été prises à La Haye. Bon. Et on casse la côte, on traverse la rue, et l'après-midi, il y a le congrès international de La Haye. C'est celui qu'on célèbre aujourd'hui, en fait. De Saint-Imier, tu veux dire. Oui, pardon. Oui, bon. Le congrès qui a eu lieu l'après-midi, c'est donc ce fameux congrès dont on célèbre aujourd'hui les 140 ans. Tu vois, elle écoute quand même. Elle écoute René, religieusement, si je puis dire. Et Dieu est parmi nous. Exactement. Non, bah, tu peux m'appeler René. Hein. Plutôt Philippe. Ouais, ouais, bon, on verra ça tout à l'heure, autour d'une saucisse. Et ce congrès, ce deuxième congrès est un congrès international. C'est-à-dire qu'il y a des délégués des fédérations de l'AIT. Bon. Et ce congrès, bon, on a dit que c'était une scission. Moi, je dis, je m'élève en faux vigoureusement contre cette interprétation. Ce n'est pas une scission, bon sang de bois. C'est un congrès extraordinaire, convoqué par les Italiens, ce qui était parfaitement légal, enfin, régulier. C'est un congrès extraordinaire de l'AIT, donc il n'a pas de numéro. Bon. Et qui entérine les décisions de la Fédération Jurassienne du matin, qui dit, nous, on refuse les décisions prises à La Haye. Et après, il va se passer des choses absolument invraisemblables, dont on a aussi, là encore, du mal à imaginer l'ampleur, quoi. Le congrès de l'après-midi à Saint-Imier était un congrès international extraordinaire, parfaitement régulier. Et ce congrès a repris donc les orientations du prise le matin et a refusé l'exclusion de Bakounine et de James Guillaume et a mis sur pied un certain nombre de dispositions de fonctionnement qui étaient différentes de celles d'avant. Justement pour éviter la captation du pouvoir par un organisme central. Bon. L'année suivante, c'était toujours en septembre, a lieu à Genève le 6e congrès régulier de l'Association internationale des travailleurs, qui est la continuation de celui qui a eu lieu à Saint-Imier l'après-midi. Donc c'est un congrès parfaitement régulier. Ce n'est l'international qu'on appelle anti-autoritaire, ce qui veut dire en fait anti-bureaucratique dans le discours de l'époque. Et puis anti-pyramidal aussi. Oui, ben ça revient même. Bon. L'Association internationale des travailleurs anti-autoritaires, qui se réunit l'année suivante, en septembre 73, à Genève, tient son 6e congrès. Voilà, de façon toute bête. Donc c'est la suite des congrès précédents. Ce n'est pas une scission, ce n'est pas une nouvelle internationale, c'est l'international qui continue. Je le dis, c'est une évolution normale. Voilà. Bon, je le dis parce que même, enfin, pour moi, il y a dans le mouvement anarchiste, en tout cas dans le mouvement anarchiste français, une espèce de syndrome de la victime. Bon, les marxistes sont les méchants, les anarchistes sont les victimes. Bon, non, c'est pas ça. Le congrès de Saint-Imier de 72 a été une victoire éclatante des fédéralistes. Je dis pas des anarchistes. Il n'y a pas d'anarchiste encore. A été une victoire éclatante des fédéralistes qui se trouvaient dans l'international contre une clique bureaucratique qui accaparait le pouvoir à Londres. Ça a été une victoire. Et l'AIT a continué encore quelques années. Bon. Mais qu'est devenu alors le Marx et son conseil général? Très bonne question et merci d'avoir posé. Oui, oui. Parce que on a bien fait d'en parler avant. Non, mais c'est quand même la question que tu viens de lui passer sur un papier. Ah, ouais. Alors, Marx, furieux, il décide, en gros, une chose extrêmement curieuse, enfin, bon, quand on y pense maintenant, il dit à la Fédération, il somme la Fédération Jurassienne de revenir sur sa décision Et il dit, c'est pas Marx, c'est le Conseil Général Bureaucratique, qui entre-temps a été envoyé à New York, parce que c'est plus pratique pour les travailleurs d'aller à New York. Hein, bon. Et ce Conseil Général qu'il a envoyé à New York est entre les mains d'un mec qui s'appelle Sorg, qui est un ami très proche de Marx, que personne ne peut blairer d'ailleurs à New York. Et parmi les Allemands quoi, de New York. Et ce Conseil Général, à l'initiative de Marx, et sous la direction de Sorg, dit... Si vous ne revenez pas sur votre récusation des décisions de la Haye, vous serez exclu. Toutes les fédérations qui refuseront les décisions de la Haye seront exclues. Évidemment, ça n'a impressionné personne, parce que Marx et ses potes étaient absolument totalement isolés. Et c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire que Marx et Engels et ses proches ont exclu de la première internationale ouvrière la totalité des mouvements ouvriers organisés de l'époque. Bon. Ça, on le dit pas. Moi, je trouve ça hallucinant, parce que dans le mouvement anarchiste, moi, ça fait 50 ans que je suis dedans, il y avait des trucs de formation occasionnellement, on parlait de l'AIT, j'ai jamais entendu ça. Or, il suffit de lire les textes. Bon, et c'est vrai qu'il suffit de lire Marx. Bon, mais et les copains ne lisaient pas trop Marx. Mais je le répète haut et fort. Ah, il y a un musicien. Il y a un musicien dans les parages. Continue, René. Donc, ils ont exclu de l'internationale ouvrière la quasi-totalité du mouvement ouvrier de l'époque. Ce qui, c'est hallucinant, quoi. Bon. Mais Marx et Engels étaient totalement isolés, ils n'avaient plus personne. Et ils ont essayé de rattraper le coup en organisant, à Genève aussi, peu après le congrès, le sixième congrès régulier de l'internationale, ils ont organisé un congrès de l'international fantoche, quoi. Et on a la correspondance de Marx, Engels et tous ses proches, dont un certain Johann Becker, pour essayer de rameuter du monde. Et tous ceux qui étaient pressentis se sont poliment désistés. Ah ben non, finalement, je vais pas. Bon. Parce que tout le monde avait senti le vent tourner, quoi. Et il y avait quasiment personne. Et ils ont réussi. À convoquer, enfin à organiser ce congrès avec quasiment personne, avec des mandats, là encore une fois, pour la troisième fois en trois ans, quoi, des mandats totalement truqués. Et Becker, qui était un proche de Marx, se vantait d'avoir sorti de sa poche, comme un lapin, 12 mandats d'un coup. Bon. Et c'est lui qui écrit, je veux dire, il le dit, quoi. Bon. Et dans une lettre aussi, il dit qu'il a complètement manipulé la commission de contrôle des mandats. Et que là encore, il a sorti des mandats de sa poche, comme ça. Bon. Et il y avait quasiment personne, sauf quelques Allemands et Suisses-Allemands. Bon. Ouais. Bon, ce congrès a été un tel fiasco, de l'aveu même de Marx dans sa correspondance. Oui, bon, ça a été un tel fiasco que les comptes rendus n'ont même pas été publiés. Il y a un aspect que je voudrais que tu abordes, parce que quand tu as décrit, on comprend très bien que c'est fédéralisme ou centralisme pour aller très vite, exclusion, etc. Mais il y a aussi un aspect qui est lié, si tu veux, mais qui est sur quel est le rôle finalement politique de la classe ouvrière. Donc il y a aussi ça passe aussi par les congrès de la fédération jurassienne, etc. Et ça a été finalement réaffirmé à Saint-Imier. Donc c'est important que tu dises d'un côté la position de Marx qui se proposait, tu as dit partis politiques, mais pour prendre le pouvoir par le parlementarisme. Et en gros, ça, il y a aussi une résolution à Saint-Imier qui est très nette, voilà, là-dessus. Oui. Alors, à Saint-Imier ont été prises quatre résolutions qu'on considère comme, en quelque sorte, l'acte de naissance de l'anarchisme. Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Ces résolutions sont parfaitement intégrables à la pensée anarchiste. Bon, ça, c'est clair. Mais ce n'est pas un acte de naissance de l'anarchisme. Parce que, elle se situe dans le cadre parfaitement banal d'une organisation de classe, c'est-à-dire une organisation de type syndical. Elle ne disent rien sur la doctrine anarchiste ou sur l'organisation anarchiste, etc. À cette époque-là, en septembre 1872, l'AIT est une organisation de type syndical. Et le fait que l'ensemble des fédérations de l'international se soient ralliées au congrès de Saint-Imier, donc le fameux congrès, n'est pas un acte d'acceptation de la doctrine anarchiste, parce que ça n'existait pas encore, contrairement à ce qu'on dit. La fédération belge n'était pas anarchiste. Les Américains n'étaient pas anarchistes. La fédération anglaise n'était pas une fédération. C'était pas des anarchistes, c'était des gens qui pensaient qu'il fallait prendre le pouvoir par les élections. Mais ils étaient d'accord avec le principe de base du congrès de Saint-Imier, que les fédérations ont le droit de déterminer leur propre politique, leur propre stratégie. C'était ça le congrès de Saint-Imier. C'est pour ça que dire que c'est le départ de l'international anti-autoritaire, c'est pas faux, quoi, même si le terme demande à être précisé. C'est pas faux. Mais c'est pas faux, parce que, enfin, à condition. C'est même contre la pyramide. Oui, c'est clair. Le fédéralisme, c'est quand même pas rien. Moi, l'interprétation que je fais du terme autoritaire. Enfin, je pense que le terme autoritaire a été, oui, non pas mal compris, mais a dévié de son sens par la suite. Le terme anti-bureaucratique n'existait pas à l'époque. Non. Et en fait, dans tous les textes, quand on met anti-autoritaire, quand on met anti-bureaucratique à la place d'anti-autoritaire, le sens du texte est cohérent. Oui, hormis, je suis d'accord, mais on a quand même des parallèles qui sont évidents. Quand c'est complètement autoritaire, t'as le côté aussi administratif et oui, réciproquement. Donc c'est quand même contre une autorité unique. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est comment dire, pour moi, le terme autoritaire, à cette époque-là, n'a pas un sens psychologique comme il a pris par la suite. Bon, d'accord. C'est un sens organisationnel. Aujourd'hui, quand dans le mouvement anarchiste, c'est pour moi la bière. Ah, merci. Ah, c'est bien. Hein. Oui, c'est bien. T'as perdu une saucisse, t'as gagné une bière. Ça compensera la saucisse. Quand la plupart des libertaires aujourd'hui emploient le terme autoritaire, en fait, ils emploient ça dans le sens psychologisant ou comportemental. Bon, je voudrais quand même donner un exemple parce que je ne résiste pas. Hein. Ah, avec, t'as bu trop de bière. Il y a longtemps déjà, très longtemps, avait lieu à Paris une réunion, en banlieue parisienne, une réunion sur l'éducation anti-autoritaire. Et c'était, je ne sais plus où, à Créteil, enfin bon, peu importe. Et il y avait la salle avec plein de monde, il y avait la tribune, et puis les micros qui traînaient sur quelque part, puis il y avait des mômes qui étaient là, c'était sur l'éducation anti-autoritaire, il y avait des sales mômes qui étaient là, et qui avaient piqué les micros. Bon. Et comme c'était une réunion sur l'éducation anti-autoritaire, personne n'a osé dire à ces mômes, casse-toi, va jouer ailleurs, et renvoie les... Et alors, les mômes ont gardé les micros, et ça a retardé le début de la réunion de trois quarts d'heure, quoi. Bon, à la fin, ils ont lâché les micros parce qu'ils ont trouvé autre chose à faire. Mais c'était tragique, quoi, parce que l'anti-autoritarisme, c'est pas ça. Or, c'est ça que une bonne partie du mouvement anarchiste aujourd'hui comprend par ce terme-là, quoi. Bon, c'est un peu vache ce que je dis, mais c'est vrai, quoi. Non, c'est pas un peu vache, parce qu'on peut le retrouver aussi dans le fonctionnement de certains collectifs où les décisions ne se font pas, puisque lorsque quelqu'un va proposer une décision, c'est qu'il est autoritaire. Voilà. C'est des choses qui sont des réalités. Ça a été une déviation tragique, à mon avis, du sens du mot dans le mouvement libertaire. Tu sais très bien que chez nous, dire à quelqu'un qu'il est autoritaire, c'est une insulte suprême. Absolument. Je veux dire, tu dis ça ou nazi et t'arrives à la même chose. Oui, oui. Non, mais je sais, mais c'est tragique. Bon. Alors que chez Bakounine et Proudhon, le mot autorité est appliqué à tout ce qui relève du pouvoir d'État. Bon, dans le cadre de l'AIT, ça a un sens, ça a ce sens-là, mais ça a aussi le sens de pouvoir qui est détenu par la complexification d'une organisation qui est devenue trop complexe et qui n'est pas contrôlée. Bon, et c'est ça, une organisation autoritaire. Et c'est dans ce sens-là que ça a été, à mon avis, compris à l'époque. Et ce terme a dévié, quoi. Bon, alors, peu importe, c'est pas très important. Mais ça donne quand même la notion de qu'on parle toujours d'anti-autoritaire de ce congrès à Saint-Imier. Ça donne quand même sur la notion d'organisation pas la notion d'individu. Voilà, c'est un congrès contre la bureaucratie qui dirigeait l'appareil de l'international. En fait, c'est ça, quoi. Bon. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. tu disais justement ça. Voilà, je disais ça. C'était moi, j'avais posé au départ la question de rappeler, je ne sais pas si tu l'as dit d'ailleurs, mais c'est tout simple, parce qu'il y a des gens, quand ils disent marxiste, ils pensent forcément, enfin, ils pensent en fait au léninisme, prise de pouvoir par les armes. À l'époque, la position de Marx, c'était de faire des partis, prendre le pouvoir par le parlementarisme. Ça, faut bien insister là-dessus, parce que on a mieux, dans les mieux-anarchistes, c'est connu, mais pas forcément à l'extérieur. Pour revenir au terme, à l'anti-autoritarisme, l'armée insurrectionnelle de Makhno en Ukraine pendant la révolution russe, c'était pas spécialement anti-autoritaire. C'était même franchement autoritaire. C'était même franchement autoritaire. Parce que la façon de régler les comptes de Makhno était relativement simple. Oui. Il y avait des armes, il les utilisait. Ouais, tu sais, quand je fréquentais le centre de sociologie libertaire de Gaston Leval, qui avait été en Russie pendant la Révolution, comme délégué de la CNT au congrès de fondation de l'International Syndicale Rouge, il avait rencontré beaucoup de monde, et puis quand il est revenu, bon, il était connu, et il y avait de temps en temps, il y avait tout un tas de gens qui passaient chez lui, et notamment d'anciens magnovistes, qui étaient, Gaston nous avait raconté qu'un jour, il avait entendu l'histoire par les magnovistes, Makhno rentre dans un village, il est acclamé par la population parce qu'il a viré les généraux blancs ou je ne sais plus qui. Et puis il y a un abruti, il était à cheval, et il y a un con qui dit « Vive Makhno, mort aux Juifs !» Et Makhno a sorti son revolver, il a battu. C'était une façon extrêmement, au fond, efficace de régler le problème de l'antisémitisme. Il y a un bouquin qui est sorti il y a quelques années sur des mémoires de Makhno. C'est pas vraiment des mémoires, mais il y a entre autres des textes à lui et puis une partie de la vie de Makhno, où deux délégués étaient envoyés à la ville à côté pour négocier, je crois que c'était au niveau de la sidérurgie ou des choses dans ce genre-là. Ils n'ont pas vraiment accepté. Makhno a envoyé deux mecs les abattre. Ouais. Voilà, c'est tout. Oui, c'était pas très sympa, quoi. Bon. C'était pas bon. Donc on en est à cette scission avec une tentative de récupération de la part des marxistes. Ouais, le pacifisme bélan, c'est pas dans les traditions anarchistes. Bon, la révolution espagnole, c'était pas spécialement anti-autoritaire. Donc faut arrêter un peu, quoi. Il faut, à mon avis, recadrer le sens du mot autorité au sens de pouvoir d'État, pouvoir politique, contrôle bureaucratique d'une organisation. Là, bon, ça va, mais sinon... on n'en sort plus, quoi. Donc on était simplement... Là, il y avait la scission, il y avait la tentative, côté Marx, de faire une espèce de récupération qui a complètement foiré, et donc qui est devenu ce congrès, donc anti-autoritaire, on en est à peu près là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est devenu après ? Saint-Imier a été une victoire éclatante du courant fédéraliste. Moi, j'appelle ça le courant fédéraliste. À ce moment-là, ce n'est pas une internationale anarchiste. Et Bakounine avait toujours dit, c'était l'un de ses points d'opposition avec Marx, il disait l'AIT ne doit pas avoir de programme obligatoire. Parce que le mouvement ouvrier international se trouve à des niveaux de développement culturel, politique, historique, etc., extrêmement hétérogène, extrêmement différent. Et donc imposer un programme obligatoire dans ces conditions-là, c'est absurde. Et ça conduira inévitablement à créer, et c'est ses paroles, autant d'internationales qu'il y a de programmes. Parce que chacun voudra, ne se reconnaissant pas dans l'international, il va vouloir en créer une autre. Et il dit, il faut maintenir l'international dans le cadre d'une organisation qui organise la solidarité internationale des travailleurs en cas de grève, en cas de catastrophe, Et ça, c'est ce qui soude la classe ouvrière sur des points qui la classe ouvrière internationale sur ce qui la rassemble. Obliger l'international, enfin introduire dans l'international un programme unique, ça conduira à la catastrophe. Bon. Et Saint-Imier continue encore dans cette lancée. Le congrès, comme je l'ai dit, il y avait un accord général sur le fait que les fédérations doivent être autonomes et pouvoir décider de leur sort. C'était totalement anti-sectarisme. Il n'y avait pas de sectarisme à l'époque. Par exemple, le délégué anglais disait « Nous, on n'est pas d'accord avec vous, les copains, mais on est contre Marx parce qu'il veut vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas faire. Enfin, » En gros, c'est ce qu'il dit, quoi. Bon. Mais c'était pas, les Anglais, c'était pas des anarchistes. C'était sur le principe et pas sur le fond. Voilà. Bon, ce qui s'est passé, c'est que moi, je pense, et en lisant Jeanne Guillaume, c'est gros bouquin sur le, où il a rassemblé une quantité de textes invraisemblables, quoi. L'intérêt du bouquin de Guillaume, c'est qu'il fait un, il rassemble des textes qui sont introuvables autrement. Quand on lit un peu entre, même pas entre les lignes, mais attentivement, Jeanne Guillaume, dans cette période, on s'aperçoit qu'il y a dans l'international anti-autoritaire, c'est-à-dire après 72, des tensions. Et ces tensions, moi, je les qualifierais de la manière suivante. Il y a, avec Bakounine et James Guillaume, un courant proto-syndicaliste révolutionnaire, le pré-syndicaliste révolutionnaire. Et de fait, par exemple, James Guillaume, à un moment, il se barre de l'international, parce qu'il trouve que ça tourne en autre boulin. Il va en France et il soutient le syndicalisme révolutionnaire qui est en train d'apparaître en France. Bon. Donc il y a ce courant pré-syndicaliste révolutionnaire, et il y a donc dans l'international un autre courant, disons pré-anarchiste, avec deux gars, principalement, André Acosta, italien, et Paul Brousse, ou Pierre Brousse, je ne sais plus, Pierre Brousse, je crois. Qui ont terminé député par ailleurs. Qui ont l'un comme l'autre mal fini, parce qu'ils ont créé chacun dans son pays le parti social-démocrate électoraliste. Bon. Et puis il y avait d'autres, Malatesta, etc. Bon. Et ces tensions entre ces deux courants, qui étaient encore un peu volatiles, quoi, je dirais, bon, se sont, à mon avis, accrues. Et il est arrivé un moment où l'AIT anti-autoritaire a décidé, lors d'un congrès, d'adopter le programme anarchiste. C'est-à-dire qu'ils ont fait tout ce que Bakounine avait dit de ne pas faire. Faute de quoi, ça conduirait à la catastrophe. Et c'est à partir de ce congrès-là, je ne sais plus lequel, que l'AIT cesse d'être une organisation de classe, c'est-à-dire une organisation regroupant les gens, les travailleurs, sur la base de leur rôle dans le processus de production, c'est-à-dire une organisation de type syndical, et devient une organisation affinitaire ou une organisation politique. C'est à ce moment-là. Bon, j'ai pas mes notes parce que j'ai été pris en piège. J'ai tombé dans un piège, là. On m'a dit une demi-heure avant que j'allais faire l'émission. Bon. Donc j'ai ramené mes notes, mais j'ai pas tout ça en tête. Mais il y a eu un congrès, je crois, bon, ben, vers 1876. Oui, c'est vers la qui a décidé que l'AIT aurait un programme anarchiste. Et à partir de là, elle s'effondrait. Bon, je pense qu'elle était déjà en train de s'effondrer, parce qu'il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos de ses camarades, des militants. Elle était en mauvaise posture, mais ça a certainement précipité sa chute. Bah, il faut dire aussi que, bon, même si c'était dans un cadre de répression assez féroce, des États contre ce qui ne facilite pas forcément le développement d'organisations de type syndical, etc. Hein. Ouais, les organisations syndicales, elles continuaient, hein, plus, oui, mais à petite échelle. Oui. Et donc, on peut qualifier la naissance de l'anarchisme proprement dit à ce moment-là, quoi. Par exemple, Bakounine, il utilise le mot anarchie. Moi, j'ai fait une étude assez attentive et précise de l'usage du mot anarchie dans les textes de Bakounine. Bon, c'est pas compliqué. Quand on a le CD-ROM de ses œuvres complètes, on fait une recherche. Hein, bon. Et je me suis aperçu avec étonnement que l'écrasante majorité des usages qu'il fait du mot anarchie sont dans le sens commun de chaos. Bon. C'est pas quelque chose qu'il effraie, mais c'est quand même du chaos. Et par exemple, il dit qu'il faut profiter de cette anarchie pour, en Pologne par exemple, pour développer les organisations de la classe ouvrière, enfin je sais pas comment il dit ça. C'est-à-dire qu'en gros, il dit qu'il faut profiter de la pagaille produite par l'État et par le système économique pour renforcer les positions du socialisme. Mais l'anarchie, dans ce sens-là, ça reste le bordel, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui l'effraie. Bon. Mais ça reste dans le sens de chaos, quoi. Bon. Et les rares fois où il utilise le mot anarchie ou anarchisme, c'est manifestement dans un sens, avec réticence. Par exemple, il dit « Je suis anarchiste comme disent un tel, c'est-à-dire que je suis pour ceci et pour cela. » Tu vois ? C'est-à-dire qu'il met... Il explique en quoi il est anarchiste, parce qu'il sait que le mot va pas, quoi. Bon. Et on sent que c'est toujours une réticence. Et en fait, je pense que l'usage qu'il fait de ce mot, c'est pour ne pas se couper des Italiens, qui, eux, se déclarent maintenant anarchistes. Ils utilisent le terme dans le sens où il existe aujourd'hui dans le mouvement anarchiste. Des questions ? Non. Dans ce cas-là, on peut peut-être s'arrêter là ? Oui. J'ai une petite phrase qui est la suivante. Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est contre moi. Et je trouvais que ça reliait bien avec tout ce qui vient d'être dit sur l'anti-autoritarisme. Ah oui, tout à fait, oui.